Prononciation, intonation, exercice 33. Expression du refus. Écoutez. Le côté costume cravate et langue de bois, j'en veux plus. Répétez. Partir avec lui? Impossible. Tu n'en veux pas? Eh bien tant pis. Toutes ces supplications à d'autres. Et surtout qu'elle compte pas sur moi, qu'elle le fasse toute seule.